Olá, amigos ouvintes da Rádio Alconcel, muito bom dia a todas e a todos. Eu sou a Armita Silva e quero-vos dizer que a direção da Rádio Alconcel está a fazer um esforço enorme para que nós, animadores, estejamos de volta na vossa companhia. Mas o confinamento obriga-nos a ficar em casa, mas todos nós, animadores, estaremos de volta brevemente para vos oferecer o melhor das nossas músicas. Eu também já estou com saudades das quintas-feiras e das vozes de Portugal, como todos os animadores, como o Lourenço, a Glória, o Jean-Pierre, o Manu, a Cristina, o Lionel também. Todos nós estamos com saudades de voltar. Então faça como nós, fique em casa, fique à escuta da Rádio Alconcel 96.2 FM. Um grande abraço a todos e até breve. E maintenant, pour finir, je vais vous faire un petit mot en français, car vous savez que la Radio Arc-en-Ciel est une radio lusophone et qu'elle a aussi des animateurs français, pas que des portugais, mais aussi des français, comme Valérie tous les mercredis en compagnie de Jean-Pierre Offort, Violette, Nicolas, Michel avec son petit bal de samedi soir que tout le monde attend sûrement, sans oublier Francky, notre grand animateur Francky que tout le monde connaît entre autres. Mais pour finir ce message, je vais vous offrir un petit fado chanté en français par la grande dame du fado qui est Amalia Rodriguez qui va chanter pour nous ce joli fado. Alors, en attendant notre retour, je vous remercie d'être à l'écoute de le 96.2 de la Radio Arc-en-Ciel et à très bientôt à tous. Merci à tous. Ce n'est presque rien, c'est un peu de vent, rien qu'un peu de vent, rien qu'un peu de ciel. C'est un bateau blanc, ivre de soleil, et l'air bleu des yeux de l'enfant. Mais lorsque son cœur est caché dedans, ça fait un fado, un fado, un fado. Ce n'est presque rien, c'est un rocher blanc, déchire la vague pour voler son cœur. C'est l'oiseau du mer, rien sa douleur, et le baiser fou de l'été brûlant. Mais lorsque le soir est caché dedans, ça fait un fado, un fado, un fado. Minuit sur la plage, le pas des amants, de ces amants. Que viendra bientôt emporter le vent dans le matin blanc pour renaître le jour de ces amants-là aux yeux bien trop grands. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait un fado, un fado, un fado. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait